Thank you. Thank you. 아디 튜니 빠카리 Thank you. Jamaïque et la des copains. Yes, à vous. Il tape sur des bambous et ses numéros. Il fabrique sa musique et sa vie. Il tape sur des bambous et il joue pas les requins. Il tape sur des bambous et il joue pas les requins. I've been the one. Bye.